Chapitre 2e. Michel Gritti. Dans la soirée, la marquise reçut plusieurs visites et fut bientôt mise au courant de tout ce qui se disait et se passait dans la ville. Le nom de Michel Gritti revenait comme un refrain au bout de toutes les phrases et paraissait être un mot que les dames de Venise avaient juré de placer à tout prix dans leur conversation. La marquise s'informa de ce qu'était ce seigneur si banal et en apprit ce que nous en savons. On ajouta que par un motif inconnu, son caractère tournait depuis quelque temps à la mélancolie, qu'il s'ennuyait et ne tarderait pas à prendre un commandement en Morée. « Ceci m'intéresse fort, » dit la marquise. « Et combien de fois a-t-il bâillé dans la matinée, ce cher seigneur ? Voilà un sot personnage que votre Gritti, et vous pouvez lui dire qu'il y a une femme au moins à Venise qui se moque de le savoir ici, en Morée ou dans la Lune. » Lorsque la nuit fut venue et que la marquise se trouva seule, elle endossa lestement un habit de cavalier, mit un domino par-dessus, prit son masque et descendit sur le quai. Les gondoles stationnaient à peu de distance du palais. La marquise s'approcha et élevant la voix. « Hola, » dit-elle, « qui de vous connaît le seigneur Michel Gritti ?» À cette question, une vingtaine de gondoliers, couchés au fond de leur barque, se levèrent comme un seul homme et crièrent à l'unisson. « Moi, mon seigneur, moi, excellence, moi, mon prince !»« Qui veut me conduire chez lui ?» reprit Onesta. La même réponse unanime et discordante éclata sur la rive. Puis une voix se détacha en solo et dit « Moi, je ne conduirai pas son Altesse au palais Gritti, mais je la conduirai, si elle veut, auprès du seigneur Gritti. »« Bon, approche-toi, » dit la marquise. Il sauta dans la gondole qui venait de parler. « Comment t'appelle-t-on, Facin ?»« Bautista, bon seigneur. »« Tu connais Ser Gritti ? C'est mon cousin, Altesse. »« À quel degré ?» « Au 53e. »« Tu as un joli bonnet, mon drôle. Veux-tu que je l'emplisse d'écus ou que je te le cloue sur la tête avec ma dague ?»« Je préfère les écus, mon duc. »« Alors ne fais pas le plaisant et va ton chemin. » Le gondolier salua humblement son fringant passager et la gondole partit comme un trait. « Où allons-nous de ce train ?» demanda la marquise. « Chez la Dolfina, monseigneur. »« Qu'est-ce que cela, la Dolfina ?» C'est la plus belle courtisane de Venise et du monde, et la plus riche et la plus généreuse. « Et vive à la diva !» ajouta l'enthousiaste gondolier en jetant son bonnet en l'air. « Et Ser Michel est ce soir chez la Dolfina ? Je l'y ai vu entrer. Il y a donc une fête ? Non, illustrissime étranger, non. La fête, c'est dans 2 jours. Tous les mois, la Dolfina donne une fête, et pendant 1 mois, les pauvres de Venise se régalent des restes. « Et viva ! Et viva sempre la diva !» Ce soir, monseigneur, comme tous les soirs, il y a simplement quelques amis intimes, 200 au plus, qui jouent et se désaltèrent. Nous sommes arrivés, noble seigneur. Voici le jardin, et plus loin au fond, c'est le palais de la diva. Attends-moi là, Bautista, dit la marquise en sautant de la gondole sur l'escalier de la rive, et de l'escalier dans le jardin, que peuplaient des couples d'ombres errantes. Elle s'approcha, sans rencontrer aucun obstacle, du palais dont les fenêtres ouvertes lançaient au dehors une chaude lumière et un air épais de parfum. Puis, ayant rejeté son domino un peu en arrière, pour laisser tout avantage à son pourpoint richement tailladé de crevé à l'espagnol, la marquise monta les degrés d'un vaste escalier intérieur, qu'éclairait une fleur gigantesque s'épanouissant au plafond en pétales lumineux. Au haut de l'escalier, un respectable majordome arrêta la marquise et la pria avec politesse d'ôter son masque ou de lui dire son nom. Elle s'y refusa. Et comme le majordome élevait la voix avec insistance, une femme, fendant la foule qui emplissait la galerie, s'approcha de la porte où s'était engagé ce débat. À la superbe insouciance de ses regards noyés, à l'indécence hardie d'un costume qui laissait le moins de champ possible aux conjectures, et surtout à sa beauté souveraine, Onesta la reconnut. « Vous êtes la Dolfina ?» lui dit-elle. « Pour vous plaire, mon cavalier, » répondit la dame, souriant à la belle mine de son hôte inconnu. « C'est ce qu'il est plus aisé de dire que de faire, ma charmante, » reprit la marquise. « Madame, » interrompit le majordome, « c'est que monseigneur refuse absolument de se démasquer ou... » Onesta, avant que le majordome eût achevé, s'était emparé résolument du bras de la Dolfina. « Mon astre, » lui dit-elle, « vous avez des gens bien grossiers. Promenez-moi un peu par là et causons. » La Dolfina éclata de rire et se laissa entraîner dans la galerie. Les joueurs les plus acharnés retournaient la tête pour regarder l'étranger qui débutait dans le monde par une entrée si triomphale. « Ah, ça, monsieur !» lui dit la Dolfina, en le contemplant des pieds à la tête. « D'où sortez-vous ? » « Permettez, mon enfant, répondit le pourpoint à Taillade, j'ai peu de loisirs. Ne me questionnez donc pas, et laissez-moi bien plutôt vous questionner. Je vais vous donner une grande marque de confiance. Indiquez, je vous prie, à un étranger qui n'a point usage de perdre son temps en bagatelle, quelle femme on peut aimer ici sans se déshonorer, outre mesure. » « Mais d'abord il y a moi, dit la Dolfina, plus étonnée que fâchée de cette insolence inouïe. À vous ? Reprit le cavalier. « Vous ? Et combien de temps vous faut-il faire la cour, ma perle ? Quand on me plaît, une heure. Quand on me déplaît, toujours. Mais, ma chère, vous avez un amant sans doute à l'heure qu'il est. Non, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Et pourquoi, grand Dieu ? Parce que j'aime quelqu'un, d'amour, davantage. Et qui, par hasard ? Celui-ci, répondit la Dolfina, indiquant du doigt un cavalier de grande taille, qui était adossé contre une colonne près d'une table où les dés roulaient sur les sequins. « Est-ce que c'est un homme ? » reprit la marquise. « Je l'eusse pris pour une cariatide chargée de soutenir votre palais, ma beauté. N'est-ce pas qu'il est beau ? Superbe. Mais parle-t-il, quelquefois ?» Une conversation qui venait de s'engager entre les joueurs dispensa la Dolfina de répondre à cette question. Un des jeunes gens, le comte Raphaël Angelmonte, demandez à Gritti s'il ne jouerait pas de la nuit. « Si cela vous amuse, je jouerai, » répondit Michel Gritti. « Pour moi, le jeu m'ennuie de plus en plus. Quand je gagne, je vois des visages amis s'assombrir, et je m'en vais tout mélancolique avec mon or dans mes poches. Quand je perds, je vois ces mêmes visages s'égayer, et cela me les fait aimer moins. De la sorte, je perds toujours, et d'ailleurs, l'idée de perdre mon palais ou de gagner le vôtre, mon cher Raphaël, n'a rien qui aiguillonne ma fantaisie. » « Je vous dirai, Michel, répliqua le comte Raphaël, que vous auriez dû naître dans une de ces contrées fabuleuses où l'homme est forcé de lutter corps à corps avec des monstres gigantesques pour défendre sa place au soleil. Et j'y fusse né très volontiers, s'il eût dépendu de moi. Je vous avoue, comte Raphaël, que la chance de me rencontrer moustache à moustache avec un lion au détour d'une rue m'entretiendrait dans une sorte d'émotion agréable. Mais il y a les femmes, dit Raphaël. « Mais elles ne sont point sauvages !» hasarda le cavalier Vespasiano, qui venait de prendre place au jeu vis-à-vis du comte Angelmonte. « Pour ce qui est des femmes, » continua Michel Gritti avec une gravité sentencieuse, « il est certain que c'est un besoin de la vie. »« Pardieu, » dit Raphaël, « avez-vous jamais été amoureux, vous, Gritti ?»« Messieurs, j'ai le regret de croire que non. J'ai eu des maîtresses, ça et là, mais je n'ai jamais conçu tout ce bruit qu'on fait de l'amour. » Et les poètes sont pleins sur ce sujet de choses que je ne comprends pas. Il faut que je sois demeuré complètement étranger à certains sentiments que le commerce des femmes fait naître en des cœurs mieux organisés. Cela m'afflige. Un écolier qui chante sa première sérénade en sait plus long que moi sur l'amour. Et un enfant qui vient de se griser pour la première fois sait mieux ce qu'il y a au fond d'une coupe de vin que je ne le sais moi, qui ai bu tous les vins du monde dans leur radieuse patrie sans me griser jamais. Comme j'ai mené la débauche avec toutes les races de femmes, jusqu'à présent découvertes, sans jamais aimer. Être ivre ou amoureux, mais très cher, ô vous qu'il pouvait, de quoi vous plaignez-vous ? Dites-moi le pays extravagant où le soleil mûrit un vin, dont la fumée puisse monter jusqu'à mon cerveau, et je pars demain. Enseignez-moi une région inouïe où Dieu ait mis dans l'œil d'une femme un rayon capable de pénétrer ma robuste stupidité, et sur mon âme, je pars à l'heure même. Par Dieu ! Dit tout à coup une voix claire et haute à côté de Michel Gritti. Il n'y a qu'un fat prodigieux qui puisse s'exprimer de la sorte. La foudre tombe subitement au milieu du groupe de jeunes gens qui entouraient Gritti, ne les eut pas frappés de plus de surprise que ne fit cette réflexion mal avisée. Tous les yeux se tournèrent du côté du cavalier masqué, qui s'avança, les bras croisés, dans l'espace que la foule émue laissait libre entre Michel Gritti et lui. Le cavalier Vespasiano s'était levé la main sur sa garde. Gritti le repoussa doucement, et regardant le masque dans les yeux, il lui dit avec une tranquillité hautaine, « Monsieur est étranger ?»« Étranger à Venise, » répondit l'autre. « Oui, certes, et je m'en vante, puisqu'il s'y trouve un noble pour se permettre ces ridicules fanfaronnades, des femmes pour les écouter et des hommes pour le souffrir. » « Je vous fendrai en quatre, mon ami, » cria Vespasiano. « Jeune homme, » reprit Michel Gritti. « Vous êtes sans doute accompagné d'un ami. » « C'est cela, » interrompit de nouveau Vespasiano. « Nous allons causer ensemble, l'ami de monsieur et moi. »« Je suis seul, » dit le masque. « Eh bien, venez, monsieur, ce n'en sera que plus amical. » Et tout en parlant, Michel, suivi du pourpoint à taillade, se dirigeait vers le grand escalier qu'ils commencèrent à descendre tous deux côte à côte, tenant leur chapeau à la main. « Bon, » dit le cavalier Vespasiano en se rasseyant, « voilà un jeune homme de moins. À vous de jouer, messer Raphaël. » Cependant, Michel Gritti conduisait le cavalier masqué dans l'endroit le plus retiré des jardins. Il entra avec lui dans une enceinte circulaire réservée au milieu d'un massif d'arbres épais. Des verres de couleur suspendus à la voûte de verdure éclairaient l'emplacement qui paraissait devoir servir de champ clos aux deux adversaires. « Monsieur, » dit Gritti, « avant de passer outre, me direz-vous quel motif particulier vous avez eu pour m'insulter ?»« Aucun, messer, si ce n'est le désir de relever un mensonge. » « Un mensonge, monsieur, » reprit Gritti en tirant son épée. « Et lequel, s'il vous plaît ?»« Vous avez déclaré n'avoir jamais rencontré une femme dont le regard fut capable de vous inspirer de l'amour. Or, je dis moi, qu'affirmant cela, vous avez menti. » « En garde, alors, » dit Gritti. « Vous avez menti, » continua l'étranger, faisant sauter son masque d'une main et dénouant de l'autre sa chevelure qui inonda ses épaules. « La preuve, c'est qu'au moment où vous parliez, cette femme était devant vous et que ce regard, le voici. » Gritti demeura un moment confondu à cette éblouissante métamorphose. « Pardonnez-moi, madame, » dit-il enfin, « mais je ne vous avais pas vue. Je ne pouvais prévoir que le ciel daignât faire un miracle tout exprès pour me convertir. » « Le ciel, » répondit la marquise, adoptant avec complaisance le langage un peu amphigourique dont la galanterie du temps aimait à distiller la quintessence. « Le ciel, messer Michel, tient beaucoup à la conversion d'un grand pécheur comme vous. Et pour l'obtenir complète, il compte renouveler ce prétendu miracle demain vers 2 heures dans l'église Sainte-Marie-Formose. » Gritti s'inclina jusqu'à terre. Quand il releva la tête, la marquise avait disparu. Le gentilhomme, après avoir couru inutilement dans tout le jardin, regagna le palais en songeant. Le cavalier Vespasiano, dès qu'il aperçut son ami, qui gravissait lentement et le fond penché les derniers degrés de l'escalier, lui cria de sa place. « Eh bien, noble Michel, qu'est-ce cela? Vous avez l'air soucieux. Quoi? Ne se serait-il pas défendu avec aisance? Ah, mordieu, c'est cela !» continua le cavalier, qui avait le vin étonnamment verbeux. « C'est cela, dis-je. Le drôle ne savait pas tenir une lame. Vous aurez été forcé. Michel, messieurs, aurait été forcé de l'assommer d'un coup de pommeau. Triste nécessité, sans doute, pour un gentilhomme. Mais qu'y faire? Cet étranger n'était après tout qu'un sou et un triple manant de charrue. Je dis que le noble Michel a bien fait. Vous avez gagné, je vous salue, comte Raphaël. Je dis qu'il a bien fait, et je serais profondément charmé que quelqu'un soutînt le contraire. Je lui ferai avaler sur le champ quelque chose de froid par 300 000. Taisez-vous, mon cher cavalier, interrompit Michel Gritti. Cet étranger était une femme. Vespasiano ne répondit à cette objection qu'en faisant entendre un sifflement prolongé. Une femme? Ah, maledetta, dit la Dolphine. Cependant, Gritti paraissait plongé dans une mélancolie profonde. Et bientôt il quitta, suivi de Vespasiano, la galerie de jeu et le palais de la Dolphine. On crut généralement, et l'on répéta, dès qu'il fut sorti, qu'il venait d'être en butte à quelques persécutions de maîtresse abandonnée, et qu'il avait subi une de ces démarches irritantes par lesquelles les femmes achèvent de se perdre et transforment souvent l'indifférence en haine. Mais la tristesse de Gritti avait une source moins vulgaire. Depuis un mois, son caractère s'était singulièrement modifié, sous l'influence de certains événements dont sa vie avait été le jouet. Depuis un mois, Michel Gritti était plus qu'amoureux d'une femme. Il était amoureux d'une idée, close nouvelle et délicieuse pour cette nature éminemment pratique. Car ces âmes ardentes et fortes, qui sont servies par un corps robuste, traduisent immédiatement en action leurs désirs et leurs passions. De la sorte, elles ignorent ce loisir des théories où se plaisent les organisations plus délicates, dont les mouvements intérieurs se trouve concentré par la paresse maladive de la volonté. Ainsi, la disposition à la rêverie, qui provient d'un défaut d'harmonie entre la puissance de l'âme et l'activité extérieure, ne pouvait exister naturellement chez un homme comme Michel Gritti, à moins que, par une circonstance particulière, ses désirs ne se trouvent à s'exalter et en même temps sa volonté paralysée. C'est ce qui lui était arrivé. Depuis un mois, Michel Gritti était amoureux, sans savoir de qui. Voici comment cet amour avait commencé. Un matin, au sortir d'une orgie, une barque l'avait suivi, portant une bizarre mascarade. Deux des personnages qui la composaient chantaient des stances mélancoliques auprès d'un linceul blanc couronné de fleurs et paraissant recouvrir le corps d'une jeune fille. Fatigué de cette poursuite obstinée, Gritti avait fait arrêter sa gondole. « Holà, bonnes gens » cria-t-il. « Pour qui donc chantez-vous cette lugubre ancienne ?»« Pour une jeune fille noble et chrétienne, » répondit un des masques, « qui est morte vierge, plutôt que d'avouer son amour à un païen. »« Oh !» reprit Gritti. « Et quelle est cette martyre ? Son nom, brave fossoyeur. »« Les âmes n'ont pas de nom, » dit le masque. « Le nom du païen, au moins. »« C'est vous, messer Michel, » répondit le funèbre personnage. Et la barque de deuil s'éloigna aussitôt à force de rames. À partir de cette rencontre, Michel Gritti s'aperçut qu'une surveillance délicate s'attachait à tous ses pas. Une ombre inconnue le suivait, exerçant sur toutes ses actions un contrôle mystérieux et touchant. Il attendit en vain que la belle morte perdît quelque chose de sa discrétion. La tendre inquisition dont il était l'objet continua de s'exercer avec une réserve impénétrable. Ainsi, un jour, un pauvre en haillons, à qui Michel venait de donner sa bourse pleine d'or, le pria, en échange, d'en accepter une dont le travail attestait l'élégante délicatesse d'une main féminine. Dans cette bourse était renfermé un grain de rosaire en ébène, sculpté avec un art exquis. Michel demanda vivement au pauvre de qui il tenait cette bourse. Le pauvre déclara l'avoir reçue d'un vieux soldat infirme qui lui avait recommandé d'en faire cadeau au seigneur Gritti, dans le cas où celui-ci lui ferait l'aumône. Michel Gritti ordonna au pauvre de le suivre et lui affirma qu'il ne le lâcherait point qu'il n'eût retrouvé ce prétendu soldat. Durant deux jours, Michel et son pauvre coururent la ville, arrêtant tous les invalides. Vers la fin du second jour, comme Michel commençait à prendre le mendiant en défiance et à le menacer, ce pauvre homme fit bien voir qu'il avait été de bonne foi, car il montra à Gritti un soldat infirme couché sous les arcades du palais ducal et lui assura que c'était celui qui lui avait remis la bourse. Michel, rempli de joie, prit à part l'invalide et se mit à l'interroger avec bonté. L'invalide fit entendre par geste qu'il était sourd et muet. Michel voulait le battre, mais tout le voisinage attesta qu'en effet, depuis un temps immémorial, ce vieillard avait perdu la parole et l'ouïe. Michel alors se retourna pour assommer son pauvre, mais le faquin avait décampé comme une armée papale. Un autre jour, Gritti avait trouvé un billet attaché à sa porte avec une épingle d'or à tête d'opale. Ce billet contenait ces mots qui, sous une autre forme, ne faisaient que répéter les stances de la sombre mascarade. « Je mourrai sans être connu de toi. Je mourrai pour t'avoir aimé. Je mourrai pour que tu aies au ciel l'ange qui te manque. » Michel Gritti, tout en se disant qu'il était la dupe d'une habile mystification, n'avait pas moins fini par prendre au sérieux l'aventure. Il était devenu rêveur, et cette disposition nouvelle de son esprit, que tout le monde attribuait à la satiété et à l'ennui, avait, tout au contraire, pour cause la première passion véritable que ce jeune homme eût ressentie. Depuis quelques jours, il avait répandu le bruit de son départ prochain pour la Morée, afin d'engager sa conquête inconnue à quelques démarches plus directes. Enfin, dans cette soirée, au moment où il venait de faire publiquement à dessein un appel exalté à cet être sans nom, la marquise lui avait tout à coup répondu. Gritti ne douta pas un instant que la belle étrangère ne fût l'héroïne du roman mystique dont on l'avait fait lui-même le héros. Assurément, l'amoureux le plus exigeant n'eût pu souhaiter pour son rêve une plus brillante incarnation que cette rare beauté de la marquise Giustiniani. Gritti en fut saisi d'abord, puis, la réflexion venant, il se sentit l'âme vide et triste. Si magnifique que fût le pays dans lequel il s'éveillait, c'était du ciel qu'il y tombait. Pour la première fois de sa vie, il avait l'occasion amère de comparer une réalité sensible à cette divinité de l'esprit qu'on nomme l'idéal. Vespasiano, qui marchait quelques pas derrière son ami, l'entendit plusieurs fois murmurer. « On ne saurait être plus belle, et pourtant, je l'imaginais autrement. » Bonne nuit, noble Michel, et au revoir, dit le cavalier quand ils furent arrivés à la porte du palais Gritti. Vous étiez là, Vespasiano? Je vous demande pardon, mon ami. Mille chartés de démons, est-ce que vous devenez poète, Michel? Vous avez perdu cette nuit, cavalier, car vous jurez fort. J'ai une idée sur le comte Raphaël, noble Gritti. Je crois que c'est un escroc. Allons, Vespasiano, le comte est loyal comme vous-même. C'est vrai, sans Dieu et sans diable, c'est vrai, mais je suis contrarié. À demain, cavalier. Non pas, noble Michel, à bientôt. Encore une de ces disparitions mystérieuses, dit Michel. Si vous m'aimez, messer Gritti, pas un mot là-dessus, répliqua Vespasiano en serrant la main de Michel. Et tandis que ce seigneur entrait chez lui, le cavalier continua de suivre le quai des Frari.